Le commis d'agent de change d'Arthur Conan Doyle. Peu de temps après mon mariage, j'avais acheté une succession de médecins dans le quartier de Paddington. Le vieux monsieur Farquhar, qui me l'avait cédé, avait eu une forte clientèle à un moment donné, mais son âge et une sorte de danse de Saint-Guy dont il était atteint lui avaient fait un tort considérable. Le public, et c'est assez naturel, a pour principe que celui qui veut guérir doit d'abord être saint lui-même, et il se méfie du pouvoir curatif d'un homme sur lequel n'agissent pas ses propres remèdes. Il arriva donc qu'à mesure que mon prédécesseur déclinait, sa clientèle diminuait, et les revenus étaient tombés, au moment où je l'achetais, de 1200 livres à tout au plus 300 par an. Mais j'avais pleine confiance dans ma jeunesse, mon énergie, et j'étais convaincu qu'il ne me faudrait que quelques années pour rendre mon cabinet aussi florissant que par le passé. Pendant les 3 premiers mois, je fus si occupé que je ne vis pas souvent mon ami Sherlock Holmes. Je n'avais matériellement pas le temps d'aller jusqu'à Baker Street, et lui n'allait jamais que là où l'appelait sa profession. Je fus donc assez surpris, un beau matin, en ouvrant, après déjeuner, le British Medical Journal, d'entendre le coup de sonnette accompagné des éclats de voix un peu stridents et bien connus de mon vieux camarade. « Ah, mon cher Watson, » dit-il en faisant irruption chez moi, « je suis enchanté de vous voir. J'espère que Mrs. Watson est tout à fait remise des émotions que lui a causées notre aventure de la marque des quatre. « Merci, nous allons tous deux à merveille, » répondis-je en lui serrant affectueusement la main. « Et j'espère aussi, » continua-t-il en s'installant sur le fauteuil à bascule, que les soucis de la pratique médicale n'ont pas entièrement détruit chez vous l'intérêt que vous preniez autrefois à nos petits problèmes de déduction. Nullement. Hier soir encore, je relisais mes notes et je classais quelques-uns de nos succès passés. Vous ne considérez pas au moins notre liste comme close? Pas le moins du monde. Je ne demande même qu'à me retrouver mêlé à de semblables aventures. Voulez-vous que ce soit aujourd'hui même? Oui, aujourd'hui, si vous voulez. Vous iriez même jusqu'à Birmingham? Certainement, si vous le désirez. « Et la clientèle ? Je rends à mon voisin le service de soigner la sienne lorsqu'il s'absente, et il est toujours prêt à me payer de retour. »« C'est parfait alors, » dit Holmes en s'enfonçant dans son fauteuil et en me regardant fixement à travers ses paupières mi-closes. « Je m'aperçois que vous avez été un peu souffrant dernièrement. Les rhumes d'été sont toujours fatigants. »« J'ai dû garder la maison la semaine dernière, pendant 3 jours, à cause d'un gros refroidissement. » Mais je croyais qu'il n'en restait plus trace. Il n'en reste aucune. Vous avez l'air de vous porter admirablement. Alors, comment le savez-vous? Mon cher ami, vous connaissez ma méthode. C'est par déduction, alors? Certainement. Et quels ont été vos indices, vos pantoufles? Je jetai un regard sur les souliers vernis neufs que je portais. Comment diable? Commençai-je, mais Holmes répondit à ma question avant qu'elle ne fût posée. Vos pantoufles sont neuves. Vous ne pouvez pas les avoir depuis plus de 2 semaines. Or, les semelles que vous tournez chez moi en ce moment sont légèrement racornies. Un instant, j'ai cru qu'elles avaient pu être mouillées et brûlées en séchant. Mais près du coup de pied, j'aperçois une petite étiquette portant les hiéroglyphes du marchand. L'humidité l'aurait sûrement décollée. Donc, vous aviez dû vous chauffer les pieds, chose peu commune, en pleine santé, au mois de juin, même avec l'humidité que nous avons. Comme toujours, le raisonnement de Holmes, une fois expliqué, paraissait d'une simplicité enfantine. Il lut cette réflexion sur mes traits, et son sourire eut une nuance d'amertume. « Je crois que je me déprécie quand j'explique, » dit-il. « Les résultats, sans les causes, font beaucoup plus d'effet. Alors, vous êtes prêt à me suivre à Birmingham ?»« Certainement. De quoi s'agit-il »« On vous le dira dans le train. Mon client m'attend dans un fiacre. Pouvez-vous venir tout de suite ?» Dans un instant, je griffonnai en hâte un mot pour mon voisin. Je courus au premier informer ma femme de mon départ et je rejoignis Holmes à la porte. « Votre voisin est médecin ? » dit-il en regardant la plaque de cuivre. « Oui, il a acheté une clientèle, comme moi. Une vieille clientèle, comme la mienne. Les deux cabinets existent depuis la construction de la maison. Ah, alors vous avez la meilleure des deux. Je le crois, mais comment le savez-vous ? Par les marches, mon garçon. » Les vôtres sont usés de 3 pouces de plus que les siennes. Mais ce monsieur, qui est dans la voiture, est M. Hall Pycroft, mon client. Permettez-moi de vous présenter à lui. Un peu plus vite, cocher, nous avons juste le temps d'attraper notre train. L'homme en face duquel je me trouvais était un jeune homme bien tourné, au teint frais, à la figure franche et honnête, agrémenté d'une petite moustache blonde frisée. Il portait un chapeau de forme aux reflets irréprochables. Ses vêtements, qui sortaient d'une bonne maison, lui donnaient l'apparence d'un jeune employé élégant de la cité, ce qu'il était en réalité, appartenant à cette classe d'hommes qu'on désigne par le sobriquet de Cockney, mais qui nous fournit nos meilleurs régiments de volontaires et produit plus d'amateurs d'athlétisme et de sport qu'aucune autre de notre pays. Son visage rond, coloré, indiquait un naturel gai et enjoué, mais à cet instant, les coins de sa bouche tombaient et indiquaient une détresse tant soit peu comique. Ce n'est toutefois qu'après nous être installés dans un compartiment de première classe et avoir commencé de rouler vers Birmingham que j'appris pourquoi il était venu s'adresser à Sherlock Holmes. Nous avons un trajet de 70 minutes devant nous, dit Holmes. Je vous demanderai, Monsieur Hall Pycroft, d'exposer à mon ami votre intéressante affaire, exactement comme vous me l'avez racontée, et avec encore plus de détails, si c'est possible. Je ne serais pas fâché d'entendre une fois de plus la série des événements qui se sont succédés. C'est une de ces affaires, Watson, qui peut présenter de l'intérêt, comme aussi le contraire, mais qui au moins offre certaines particularités de ce genre original qui vous attirent autant que moi. Maintenant, Monsieur Pycroft, je ne vous interromprai plus. » Notre jeune ami me regarda en clignant de l'œil et commença. Le pire de l'histoire est que j'y joue un rôle idiot. Évidemment, cela peut finir tout à fait bien. Je ne vois pas du reste que j'ai pu agir autrement. Mais si j'ai lâché la proie pour l'ombre, j'aurais évidemment été un grand sot. Je ne suis pas orateur, Monsieur Watson, mais voici mon affaire en deux mots. J'étais employé chez Coxon et Woodhouse de Draper's Gardens, mais ils se sont laissés prendre au printemps dernier dans l'emprunt du Venezuela, comme vous vous le rappelez sans doute, et ils firent un pouf énorme. J'étais chez eux depuis 5 ans, et le père Coxon me donna un certificat parfait. Mais n'empêche que les 27 commis de la maison se trouvèrent sur le pavé. Je cherchais à me placer tant bien que mal, mais il y avait tant d'employés dans le même cas que je ne trouvais absolument aucune situation. Je gagnais 3 livres par semaine chez Coxon, et j'en avais économisé environ 70, mais j'en vis bientôt la fin. J'ai été au bout de mon rouleau, et commencé à n'avoir plus de quoi acheter même des enveloppes et des timbres-poste pour répondre aux annonces. J'avais usé mes chaussures à monter et à descendre les escaliers des bureaux où je m'étais présenté, et je me trouvais aussi peu avancé qu'au premier jour. Enfin, je découvris une demande d'emploi chez Nelson et Williams, les grands agents de change de Lombard Street. Je suppose que le monde de la bourse n'est pas tout à fait dans ses cordes, mais je puis vous assurer que c'est à peu près la plus grosse maison de Londres. On ne devait répondre à l'annonce que par lettre. J'envoyai mes certificats et ma demande, mais sans grand espoir. Par retour du courrier, on me répondait que si je voulais venir le lundi suivant, je pourrais prendre mon service sur l'heure, pourvu que mon aspect fût satisfaisant. Personne ne sait comment ces choses-là s'arrangent. On prétend que le directeur puise dans le tas et prend la première lettre qui se présente. De toute façon, mon tour était venu 7 fois, et je n'ai jamais été plus heureux de ma vie. On m'offrait 1 livre de plus par semaine que chez Coxon, pour un travail à peu près identique. Et maintenant j'arrive à la partie bizarre de l'affaire. J'habitais en Garni du côté de Hampstead, 17 Porter's Terrace. Je fumais tranquillement, le soir de ce même jour où je venais de trouver une place, quand arrive ma propriétaire avec une carte au nom de M. Arthur Pinner, agent financier. Je ne connaissais pas cet individu, et je ne pouvais m'imaginer le but de sa visite. Mais cependant, je dis à la femme de faire entrer ce visiteur. C'était un homme de taille moyenne, cheveux noirs, yeux noirs, barbe noire, le nez légèrement allumé. Il était vif et parlait rapidement, comme un homme qui connaît la valeur du temps. « Monsieur Hall Pycroft, je pense, » dit-il. « Oui, monsieur, » répondis-je en lui avançant une chaise. « Dernièrement chez Coxon et Woodhouse ?»« Oui, monsieur. »« Et maintenant chez Nelson ?»« Parfaitement. »« Bien, » dit-il, « voici. »« J'ai entendu dire des choses extraordinaires sur votre capacité financière. »« Vous vous rappelez Parker, qui était chef de bureau chez Coxon, il ne tarissait pas d'éloges sur vous. » Je fus flatté du compliment. J'avais toujours passé au bureau pour un des meilleurs employés, mais je ne m'imaginais pourtant pas être devenu célèbre dans la cité. « Vous avez une bonne mémoire ?» dit-il. « Assez bonne, » répondis-je modestement. « Êtes-vous resté en contact avec le marché depuis que vous n'avez plus de place ?»« Oui, je lis les cours de la bourse tous les matins. » »« Ah, cela montre une vraie vocation. Voilà comment on arrive. Vous me permettez de vous pousser une colle, voulez-vous ? Voyons, que font les Aïcheurs ?»« 500 à 501 quarts. » « Et les consolidés de la Nouvelle-Zélande ?»« 104. » « Et les British Broken Hills ?»« 7 à 7,5. » « Admirable !» s'écria-t-il en levant les mains. « Cela confirme tout ce que j'ai entendu dire. Mon ami, vous valez beaucoup trop pour être commis chez Nelson. » Cette sortie m'étonna un peu, comme vous pouvez le penser. « Mais, lui dis-je, tout le monde ne semble pas avoir une bonne opinion de moi, monsieur Pinner. J'ai eu bien de la peine à trouver cette place, et je suis joliment content de l'avoir. Bon, mon ami, vous êtes à 100 pieds au-dessus de cela. Vous n'êtes pas là dans votre sphère. Écoutez, je vais vous dire mon idée. Ce que j'ai à vous offrir est peu de choses, comparé à votre capacité, mais comparé à ce qu'on vous donne Nelson, c'est le jour et la nuit. Voyons, quand devez-vous entrer chez lui ? Lundi. Ah ah. Je crois que je ferai bien un petit pari que vous n'y entrerez jamais. Ne pas entrer chez Nelson. « Non, monsieur. D'ici là, vous serez le directeur de la Franco-Midland, société de quincaillerie limited qui a 134 succursales dans les villes et les villages de France, sans compter une à Bruxelles et une à San Remo. » Je restais bouche bée. « Je n'en ai jamais entendu parler, dis-je. En effet, ce n'est pas probable. On n'a pas fait de réclame car le capital a été souscrit entre amis et c'est une trop bonne affaire pour la livrer au public. Mon frère, Harry Pinner, en est le promoteur. » Et entre au comité, après la répartition, comme directeur général. Il sait que j'ai beaucoup de connaissances dans la cité, et il m'a demandé de lui trouver, dans des conditions raisonnables, un homme capable, un homme jeune, énergique, ayant le feu sacré. Parker m'a parlé de vous, et c'est ce qui m'amène ici. Nous ne pouvons vous offrir que la médiocre somme de 500 livres pour commencer. 500 livres par an ? M'écriai-je. Seulement pour commencer. Mais vous aurez une commission générale de 1% sur toutes les affaires faites par votre entremise. Et croyez-moi, cela fera plus que votre salaire. Mais je n'entends rien à la quincaillerie. Bon, bon, mon garçon, vous savez compter. La tête me brûlait. Je ne pouvais rester en place. Mais tout à coup, je fus pris d'un doute qui vint jeter une douche froide sur mon agitation. Je dois être franc avec vous, lui dis-je. Nelson ne me donne que 200 livres, mais Nelson, c'est sûr. Tandis qu'en vérité, je sais si peu de choses sur votre société que... « Ah, très fort, très fort !» s'écria-t-il, extasié. « Vous êtes juste l'homme qu'il nous faut. Ne vous laissez pas embobliner, et vous aurez joliment raison. Tenez, voici un billet de 100 livres. Si vous croyez pouvoir faire affaire avec nous, vous pouvez le mettre dans votre poche à titre d'avance sur votre salaire. » « Parfait, alors quand dois-je entrer ?»« Soyez à Birmingham demain, à 1 heure, » fit-il. « Voici une lettre que vous remettrez à mon frère. Vous le trouverez au numéro 126B de Corporation Street, où sont les bureaux provisoires de la société. Il faut qu'il confirme votre nomination, mais de vous à moi, c'est chose faite. »« Vraiment, je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance, monsieur Pinner. »« Du tout, mon garçon. Vous n'avez que ce que vous méritez. Il reste un ou deux détails de pure forme à régler. Vous avez du papier, là ? Veuillez écrire. » « Je consens à devenir directeur de la Franco-Midland, société de quincaillerie, limited, aux appointements minima de 500 livres. » Je fis ce qu'il me demandait, et il mit le papier dans sa poche. « Et enfin, pour terminer, dit-il, que comptez-vous faire au sujet de Nelson ? Dans ma joie, j'avais complètement oublié Nelson. Je vais envoyer ma démission. C'est justement ce que je désire que vous ne fassiez pas. J'ai eu une dispute à propos de vous avec le directeur de chez Nelson. » J'étais allé lui demander des renseignements, et il a été très désagréable. M'accuser de vous détourner de la maison, etc., etc. À la fin, je me suis fâché. Si vous voulez de bons employés, il faut les payer un bon prix, lui ai-je dit. Il préférera probablement notre petit salaire à celui très supérieur, cependant, que vous lui offrez, répliqua-t-il. Je vous parie 5 livres, dis-je, que quand il aura eu mon offre, vous n'entendrez seulement plus parler de lui. Acceptez, dit-il. Nous l'avons tiré du ruisseau et il ne le lâchera pas si facilement. Ce sont ses propres paroles. L'impudent personnage, m'écriai-je. Je ne l'ai jamais vu. Pourquoi aurais-je des égards pour lui? Je ne lui écrirai certes pas, puisque tel est votre désir. Bon, c'est chose promise, dit-il en se levant. Eh bien, je suis enchanté d'être si bien tombé pour mon frère. Voici votre avance de 100 livres, et voici la lettre. Notez l'adresse. 126B, Corporation Street. Et rappelez-vous que votre rendez-vous est à 1 heure demain. Bonsoir. Je vous souhaite toute la chance que vous méritez. Voilà tout ce qui s'est passé entre nous autant que je puis m'en souvenir. Vous pouvez vous imaginer, docteur, combien j'étais heureux de ce coup de bonne fortune. Je restais la moitié de la nuit éveillé, à me réjouir dans mon fort intérieur, et le lendemain je partais pour Birmingham par un train qui me permettait d'arriver un peu avant l'heure de mon rendez-vous. Je déposai mes paquets à un hôtel de New Street et me rendis à l'adresse qui m'avait été donnée. J'étais en avance d'un quart d'heure, mais peu importait. Le numéro 123 était au fond d'un corridor situé entre 2 grandes boutiques et qui aboutissait à un escalier tournant en pierre. Cet escalier donnait accès à de nombreux appartements, loués comme bureaux à des sociétés ou à des particuliers exerçant des professions libérales. Les noms des locataires étaient peints sur le mur au bas de l'escalier, mais je n'y pus découvrir le nom de la Franco Mainland, société de quincaillerie limited. Je restais là, perplexe et anxieux, me demandant si je n'avais pas été victime d'une fumisterie, quand survint un homme qui m'adressa la parole. Il ressemblait énormément à celui que j'avais vu la veille au soir, même tournure, même voix, mais il était complètement rasé et ses cheveux étaient moins foncés. « Êtes-vous M. Hall Pycroft ?» demanda-t-il. « Oui. »« Ah, je vous attendais, mais vous êtes un peu en avance. J'ai reçu ce matin un mot de mon frère qui chante vos louanges. Je cherchais précisément votre bureau. » Nous n'avons pas encore fait inscrire notre nom, car nous n'avons loué ces bureaux provisoires que la semaine dernière. Montez avec moi, et nous allons causer ensemble. » Je le suivis jusqu'au sommet d'un escalier qui n'en finissait plus, et il m'introduisit enfin dans 2 petites pièces mansardées, sans tapis, ni rideaux, et toutes poussiéreuses. Je m'étais imaginé un grand bureau avec des tables bien astiquées et des files d'employés, comme j'en avais vu chez mes patrons et dames. Je regardais avec un certain étonnement les 2 chaises et la misérable table de bois blanc qui, avec un livre de caisse et un panier à papier, formait tout l'ameublement de cette chambre. « Ne vous effarouchez pas, Monsieur Pycroft, » me dit mon nouveau patron, en voyant la tête que je faisais. « Rome n'a pas été bâtie en un jour. Nous avons un gros capital à notre disposition, mais nous ne cherchons pas à jeter de la poudre aux yeux. Asseyez-vous donc et donnez-moi votre lettre. » Je la lui tendis et il la lut avec attention. Vous semblez avoir fait une profonde impression sur mon frère Arthur, dit-il, et je sais qu'il n'est pas mauvais juge. Il ne jure que par Londres et moi par Birmingham. Mais pour une fois, je suis de son avis. Vous pouvez donc vous considérer comme définitivement engagé. Quelles seront mes fonctions? Vous dirigerez le grand dépôt de Paris qui doit alimenter de faïence anglaise les magasins de nos 134 agents en France. Les achats seront terminés d'ici à 1 semaine. Et en attendant, vous resterez à Birmingham et vous trouverez moyen de vous occuper. Comment ? Pour toute réponse, il prit un gros livre rouge dans un tiroir. Voici un bottin de Paris, indiquant les professions à la suite des noms. Emportez-le chez vous et faites-moi une liste de tous les marchands de quincaillerie avec leur adresse. Cela nous sera de la plus grande utilité. Mais il doit exister des listes par catégorie. Il n'y en a pas de bien faites. Elles sont établies sur un système différent du nôtre. Attelez-vous à ce travail et donnez-moi ces listes, lundi à midi. Au revoir, Monsieur Pycroft. Si vous continuez à montrer du zèle et de l'intelligence, vous verrez que la société se comportera bien vis-à-vis de vous. Je rentrai à mon hôtel, le gros livre sous le bras, en proie à tout un conflit de sentiments. D'un côté, j'étais définitivement engagé et j'avais 100 livres dans ma poche. Mais de l'autre, l'aspect du bureau, l'absence de nom sur le mur et d'autres détails qui étaient faits pour étonner un homme habitué aux affaires, me donnaient une fâcheuse impression sur la position de mes chefs. Enfin, quoi qu'il pût arriver, j'avais mon argent. Je me mis donc résolument au travail. J'y consacrai tout mon dimanche, et cependant, le lundi, je n'en étais encore qu'à la lettre H. Je retournai voir mon chef et le trouvai dans les mêmes pièces dénudées. Il me dit de continuer jusqu'à mercredi et de revenir ensuite. Mercredi, je n'avais pas encore fini et j'en eus jusqu'au vendredi, c'est-à-dire hier. Alors j'apportai mon travail à M. Harry Pinner. « Je vous remercie infiniment, » dit-il. « Je crains de n'avoir pas tout d'abord suffisamment apprécié ce travail. Il me sera extrêmement utile. » Il m'a pris beaucoup de temps, dis-je. Cela fait, je vous demande cette fois une liste des maisons d'ameublement, car elles vendent toutes de la faïence. Très bien. Venez demain soir à 7 heures et dites-moi comment cela marche. Ne vous éreintez pas. Une couple d'heures au Days Music Hall dans la soirée ne vous fera pas de mal après tout ce travail, ajouta-t-il en riant. Et je m'aperçus alors que sa deuxième dent à gauche était assez mal horrifiée. Cela m'impressionna fâcheusement. Sherlock Holmes se frottait les mains joyeusement et moi je regardais notre client avec stupeur. « Vous pouvez paraître surpris, docteur, » dit ce dernier, « mais voici la chose. » En causant avec l'autre individu à Londres, j'avais remarqué, quand il avait ri parce que je renonçais à entrer chez Nelson, qu'il avait cette même dent horrifiée de la même façon. Le polydore m'avait sauté aux yeux dans les deux cas, et lorsque je rapprochais cette observation de la similitude de voix et de la tournure, lorsque je m'aperçus que les dissemblances pouvaient être dues à un coup de rasoir et à une perruque, je ne doutais plus d'avoir affaire à la même personne. On peut s'attendre à trouver une grande ressemblance entre deux frères, mais pas au point d'avoir la même dent horrifiée de la même façon. Il me dit au revoir et je me trouvais dans la rue, ne sachant guère si je marchais sur la tête ou sur les pieds. Je rentrai à l'hôtel, me plongeai la tête dans l'eau froide et tâchai de réfléchir. Pourquoi m'avait-il envoyé de Londres à Birmingham? Pourquoi y était-il arrivé avant moi? Et pourquoi s'était-il écrit une lettre à lui-même? Tout cela était trop fort pour moi, et je n'y trouvais aucune explication. Tout à coup, l'idée me vint que ce qui était si obscur pour moi pouvait être très clair pour M. Sherlock Holmes. J'avais juste le temps de gagner Londres par le train de nuit, de le voir ce matin et de le ramener avec moi à Birmingham. Il se fit un silence après cet étrange récit. Puis Sherlock Holmes me regarda du coin de l'œil en se renversant sur les coussins, avec cet air satisfait et légèrement ironique d'un connaisseur qui déguste son premier verre de vin de la comète. « Pas mal, hein, Watson? Il y a là des détails qui me plaisent. » Mais avis qu'un entretien avec M. Arthur Henry Pinner, dans les bureaux provisoires de la Franco-Midland, compagnie de quincaillerie Limited, aurait pour nous deux un certain intérêt. « Mais comment arranger cela ?»« Oh, c'est bien facile, » répliqua Hall Pycroft. « Vous êtes deux de mes amis à la recherche d'une place. » Et quoi de plus naturel que de venir avec moi voir le directeur général? Évidemment, c'est tout à fait juste, approuva Holmes. J'aimerais voir ce gentleman et découvrir son jeu. Quelle qualité avez-vous donc, mon jeune ami, pour que vos services soient si précieux? Ou bien serait-il possible que... Il se mit à se mordre les ongles et à regarder fixement à travers les vitres. Bref, nous ne pûmes plus rien tirer de lui jusqu'à notre arrivée à New Street. 7 heures du soir sonnaient quand nous débouchâmes tous les trois dans Corporation Street en route pour les bureaux de la société. « Cela ne servira à rien d'arriver avant l'heure, » dit notre client. « Notre personnage ne vient évidemment là que pour moi, car le bureau est désert jusqu'à l'heure qu'il m'indique. »« C'est suggestif, » dit Holmes. « Parbleu, je vous l'avais bien dit, » s'écria le commis. « Le voilà qui marche devant nous. » L'homme qu'il nous désignait, marchant sur le trottoir opposé, était petit, blond, bien vêtu. Tandis que nous l'examinions, il aperçut un gamin qui criait la dernière édition d'un journal du soir, et traversant la rue au milieu des fiacres et des omnibus, il lui acheta un numéro. Puis il disparut dans une porte. « Le voilà entré !» s'écria Hall Pycroft. « C'est là que le bureau de la société. Venez, je vais arranger cela aussi bien que possible. » Nous montâmes 5 étages à sa suite et il s'arrêta devant une porte entr'ouverte à laquelle il frappa. Une voix nous cria « Entrez !» Et dans une pièce nue, sans meubles, telle qu'elle nous avait été décrite, nous trouvâmes l'homme que nous venions de voir dans la rue. Il était assis devant la table sur laquelle était ouvert le journal, et lorsqu'il leva la tête, je vis sur son visage des traces de contrariété, je dirais même plus que de la contrariété, car c'était de la terreur qui était empreinte sur sa physionomie, une terreur telle que je n'en avais jamais vue et telle que peu d'hommes ont l'occasion d'en éprouver. La sueur perlait sur son front, ses joues étaient d'un blanc plombé et ses yeux étaient hagards et fixes. Il regardait son commis comme s'il ne le connaissait pas et je voyais à l'étonnement de celui-ci que ce n'était pas là l'aspect habituel de son chef. « Vous n'avez pas l'air bien, monsieur Pinner ? » s'écria-t-il. « Oui, je ne me sens pas à mon aise, » répondit-il, avec des efforts évidents pour se maîtriser et en humectant ses lèvres desséchées avant de parler. « Qui sont ces messieurs que vous avez amenés ?»« L'un est monsieur Harris de Bormans Day. » « Et l'autre, M. Price, de cette ville, » répondit sans hésitation notre commis. Ce sont des amis à moi et des gens d'expérience, mais ils sont sans place depuis quelque temps et ils espéraient que vous leur en trouveriez une dans la société. » C'est très possible, très possible, s'écria M. Pinner, avec un sourire contraint. Oui, je pense bien que nous pourrons faire quelque chose pour vous. Quelle est votre spécialité, M. Harris? Je suis comptable, répondit Holmes. Ah oui, nous aurons besoin de comptables. Et vous, M. Price? Expéditionnaire. J'ai la ferme confiance qu'on vous trouvera un emploi. Je vous le ferai savoir dès que ce sera décidé. Maintenant, je vous demanderai de vouloir bien vous retirer. Pour l'amour du ciel, laissez-moi seul. Ces derniers mots lui échappèrent comme si sa volonté faiblissait tout à coup. Nous nous jetâmes un coup d'œil, Holmes et moi, tandis que Hall Pycroft avançait d'un pas vers la table. « Vous oubliez, M. Pinner, que je suis venu sur votre demande pour recevoir des ordres de vous. »« Certainement, M. Pycroft, certainement, » répondit l'autre d'un ton plus calme. « Vous pouvez attendre ici un moment. Il n'y a pas de raison pour que vos amis n'attendent pas aussi. Je suis à vous dans 3 minutes, si vous me permettez d'abuser un peu de votre patience. » Il se leva de l'air le plus courtois du monde, et s'inclinant en passant devant nous, il entra dans la pièce voisine par une porte située à l'extrémité du bureau et qu'il referma derrière lui. « Quoi ? » murmura Holmes. « Est-ce qu'il nous glisserait entre les doigts ?»« Impossible, » répondit Pycroft. « Pourquoi ? Cette porte donne dans une chambre. Il n'y a pas de sortie ? Aucune. Est-elle meublée ? Elle était vide hier. Alors qu'est-ce qu'il peut bien y faire ? Il y a un mystère ici. Je n'ai jamais vu un homme plus fou de terreur que M. Pinner. Qu'est-ce qui peut l'avoir fait trembler ainsi ? Il soupçonne que nous sommes des détectives, suggérai-je. C'est cela, dit Pycroft. Holmes secoua la tête. Il n'est pas devenu pâle, il était pâle quand nous sommes entrés. Peut-être bien que... Il fut interrompu par un grattement qui semblait venir de la porte close. Que diable a-t-il à frapper à sa propre porte ? S'écria le commis. De nouveau, et plus fort, recommença le bruit. Nous regardions tous étonnés cette porte. Mais Holmes devint tout à coup très sérieux et se pencha pour mieux écouter. Tout d'un coup, nous entendîmes un sourd murmure et des coups frappés sur le bois. Holmes se jeta violemment contre la porte. Elle était fermée en dedans. Suivant son exemple, nous nous élançâmes de tout notre poids pour la faire céder. Une charnière cassa, puis l'autre, et la porte s'effondra sur le sol. Nous étions dans la pièce. Elle était vide. Mais nous ne fûmes pas longtemps en peine. Dans un coin, le plus rapproché du bureau, que nous venions de quitter, se trouvait une autre porte. Holmes se précipita dessus et l'ouvrit. Par terre, une veste et un gilet. Et un crochet planté derrière la porte, ses propres bretelles autour du cou, pendait le directeur général de la Franco-Midland, compagnie de quincaillerie. Ses genoux étaient repliés, sa tête faisait un angle affreux avec son corps, et ses coups de talon contre la cloison avaient produit le bruit qui avait interrompu notre conversation. Immédiatement, je le saisis par la taille pour le soulever, tandis que Holmes et Pycroft dénouaient les bandes élastiques qui étaient entrées dans les plis de sa peau devenue livide. Nous le transportâmes dans l'autre pièce, et il était là, étendu, devant nous, la face couleur d'ardoise, les lèvres violettes et boursouflées, tremblotant à son propre souffle, la triste ruine enfin de l'homme bien portant qu'il était 5 minutes auparavant. « Comment le trouvez-vous, Watson ? » me demanda Holmes. Je me penchai sur lui et l'examinai. Son pouls était faible et intermittent, mais sa respiration devenait plus longue, et ses paupières légèrement tremblantes laissaient apercevoir un peu du blanc de l'œil. « Il a été à un doigt de la mort, » répondis-je, « mais il est sauvé maintenant. Ouvrez donc la fenêtre et passez-moi la carafe. » Je défis son col, lui versai de l'eau fraîche sur la figure et fis manœuvrer ses bras jusqu'à ce qu'il eût une respiration normale. « Ce n'est plus qu'une question de temps, » dis-je en me relevant. Holmes, debout près de la table, avait les mains enfoncées dans ses poches et la tête baissée. « Nous devrions faire venir les gens de la police, » dit-il, « et pourtant j'avoue que je préfère leur présenter à leur arrivée tous les éléments de l'affaire. »« C'est pour moi un mystère, » s'écria Pycroft en se grattant la tête. « Pourquoi avait-il besoin de me faire venir, de si loin et ensuite ?»« Pouah, tout cela est assez clair, » interrompit Holmes avec impatience. C'est ce dénouement subi qu'il est moins. Vous comprenez donc le reste ? Cela me paraît assez évident. Qu'en dites-vous, Watson ? Je dois avouer que je ne suis pas bien fixé, dis-je en haussant les épaules. Non, vraiment ? Mais si vous reprenez les choses au commencement, il ne peut y avoir qu'une solution. Laquelle ? Eh bien, tout roule sur 2 points. Le premier d'avoir fait écrire à Pycroft la déclaration qu'il consentait à entrer dans cette société bizarre. Ne voyez-vous pas combien ceci est suggestif ? Non, je ne saisis pas. Allons, pourquoi la leur fallait-il cette déclaration ? Ce n'est pas au point de vue à faire, car les conditions se font plus souvent verbalement, et il n'y avait aucune raison sérieuse pour faire exception à cette règle. Ne voyez-vous pas, mon jeune ami, qu'ils avaient un grand intérêt à obtenir un spécimen de votre écriture et qu'ils n'avaient pas d'autre moyen de l'avoir ? Et pourquoi ? Justement, pourquoi ? Quand nous aurons répondu à cette question, notre problème sera bien près d'être résolu. Pourquoi ? Il ne peut y avoir qu'une raison plausible. Quelqu'un voulait apprendre à imiter votre écriture. Il lui en fallait donc avant tout un spécimen. Et maintenant, si nous passons au second point, nous constatons qu'il ne fait que confirmer le premier. Ce point est la requête que vous fit Pinner de ne pas envoyer votre démission, mais de laisser le directeur de cette importante maison dans la certitude qu'un certain Hall Pycroft, qu'il n'avait jamais vu, viendrait à son bureau le lundi matin. « Mon Dieu !» s'écria notre client. « Quel imbécile j'ai été !»« Vous comprenez maintenant le pourquoi de l'écriture. Supposez que quelqu'un soit arrivé avec une écriture complètement différente de celle avec laquelle vous aviez fait votre demande. La mèche aurait été éventée. Mais dans l'intervalle, le gredin avait appris à vous imiter, et sa position alors était sûre, car je présume que personne dans le bureau ne vous avait jamais vu. Pas une âme. Très bien. Évidemment, il était de la plus extrême importance de vous empêcher de revenir sur votre décision, et aussi de vous éviter tout contact avec qui que ce fût pouvant certifier que votre double était installé chez Nelson. On vous donna donc une jolie avance sur vos appointements, et on vous expédia dans le Midland, et là on vous donna assez de travail pour vous empêcher d'aller à Londres, où vous auriez pu découvrir la supercherie. Tout cela est très simple. Mais pourquoi cet homme a-t-il prétendu être son propre frère ? Oh, c'est également très clair. Il est certain qu'ils ne sont que deux là-dedans. L'autre joue votre personnage au bureau. Celui-ci vous engagea et puis trouva qu'il ne pouvait vous donner un patron qu'en mettant une troisième personne dans le complot, ce qui ne pouvait lui convenir. Il changea son apparence du mieux qu'il put et compta que la ressemblance que vous ne pourriez manquer d'observer serait attribuée à un air de famille. Sans le hasard heureux de la dent horrifiée, vos soupçons n'auraient probablement jamais été éveillés. Hall Pycroft agita ses poings fermés. « Seigneur, s'écria-t-il, pendant qu'on se jouait de moi ainsi, qu'aurait fait cet autre Pycroft, Nelson ? Et maintenant, Monsieur Holmes, à quoi nous résoudre ? Que me conseillez-vous ? » « Il faut télégraphier à Nelson. Il ferme à midi le samedi. Cela ne fait rien. Il peut y avoir un gardien ou un concierge. Ah oui, ils ont un gardien permanent à cause de l'importance des dépôts qu'ils reçoivent. Je me rappelle l'avoir entendu dire dans la cité. Très bien. Nous allons lui télégraphier et savoir si tout va bien et s'il y a au bureau un commis de votre nom. Tout cela est parfait. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi, à notre vue, un des gredins s'est pendu derrière la porte. « Le journal !» gémit une voix rauque derrière nous. L'homme s'était mis sur son séant, il était pâle et hagard, mais la raison commençait à lui revenir, et ses mains frottaient nerveusement la large bande rouge qui marquait son cou. « Le journal, parbleu !» s'écria Holmes au comble de l'agitation. « Quel idiot j'étais ! Je pensais tellement à notre visite que l'idée du journal ne m'est jamais venue. Le secret est sûrement là. » Il l'étendit sur la table, et un cri de triomphe sortit de ses lèvres. « Regardez, Watson, c'est un journal de Londres, une des premières éditions de l'Evening Star. Voilà ce que nous cherchons. Voyez les manchettes. Crime dans la cité, meurtre chez Nelson et Williams, gigantesque tentative de vol, arrestation du coupable. Tenez, Watson, nous sommes tous aussi pressés d'en connaître les détails. Veuillez donc en faire la lecture à haute voix. » D'après la place donnée dans le journal à cette nouvelle, il était évident que c'était à Londres l'événement du jour. Voici ce que disait le journal. Une audacieuse tentative de vol, accompagnée d'assassinat et suivie de la capture du criminel, a été commise cet après-midi dans la cité. Depuis quelque temps, Nelson et Williams, les agents de change bien connus, ont en dépôt des valeurs s'élevant ensemble à beaucoup plus d'un million de livres sterling. En raison de cette lourde responsabilité, dont ils sentaient tout le poids, le directeur avait fait l'achat de coffres-forts du système le plus perfectionné, et un gardien armé restait nuit et jour dans les bâtiments. Il paraît que la semaine dernière, un nouveau commis, appelé Hall Pycroft, avait été engagé. Il n'était autre que Beddington, le fameux faussaire et cambrioleur, qu'avec son frère, avait tout récemment purgé une condamnation à 5 années de prison. Par une manœuvre encore mal définie, il était parvenu à obtenir, sous un faux nom, cette place dans les bureaux, position qui lui a permis de se procurer les empreintes des différentes clés et de connaître la pièce où se trouvent les coffres-forts avec leurs positions respectives. Les commis partent toujours de chez Nelson à midi, le samedi. Le sergent Thiessen, de la police de la cité, fut donc assez surpris de voir un individu portant un sac de voyage en sortir à 1h20. Ses soupçons ainsi éveillés, il suivit l'homme et, aidé de l'agent de police Pollock, réussit, malgré une résistance désespérée, à l'arrêter. On constata aussitôt un vol d'une audace et d'une importance incroyable, près de 100 000 livres en actions de chemin de fer américain et en valeurs minières et valeurs d'autres compagnies furent trouvées dans le sac. L'examen des bureaux amena la découverte du cadavre du malheureux gardien, replié sur lui-même et fourré dans le plus grand des coffres-forts, où on ne l'aurait trouvé que lundi prochain, sans l'intelligente initiative du sergent Thiessen. La victime avait eu le crâne brisé par un coup de tisonnier donné par derrière. Il n'est pas douteux que Beddington ne soit rentré sous le prétexte d'avoir oublié quelque chose et qu'après avoir tué le gardien, il ait vidé le coffre-fort, s'enfuyant ensuite avec son butin. Son frère, qui généralement lui sert de complice, ne paraît pas avoir joué de rôle dans l'affaire, autant qu'on en peut juger jusqu'à présent, mais la police le recherche avec activité. « Eh bien, nous pouvons lui épargner cette peine, » dit Holmes, en regardant la misérable loque étendue près de la fenêtre. « La nature humaine est un bizarre mélange, Watson. Vous voyez qu'un scélérat et un assassin peut inspirer à son frère une affection telle que celui-ci cherche à se suicider en apprenant que l'autre va être pendu. Enfin, nous n'avons pas 2 voies à suivre. Le docteur et moi, nous resterons de garde ici. Et vous, monsieur Pycroft, vous aurez la bonté d'aller prévenir la police. » Ainsi s'achève le commis de l'agent de change d'Arthur Conan Doyle.